Merci beaucoup. Estival FM, premier sur la plage, premier sur les crustacés. Club VIP. Bah oui, c'est le Club VIP. Et qui continue dans cette bonne ambiance avec Léna dans les studios, toujours en forme. Oui, ça va. Oui, ça va. Ah bah oui, ça va, très bien. Nous allons retrouver d'ici un titre, un sondage, puisque tu le sais, toi-même tu le sais, tu vas sur la plage avec un micro, tu vas voir les vacanciers, tu leur poses des questions toujours un petit peu subversives. Mm-hmm. Ah bon? Tu confirmes? Non, aujourd'hui c'est... Sans nous le dire, est-ce que tu peux nous donner un indice sur le sondage du jour pour mettre en bouche un peu les auditeurs d'ici le prochain titre? D'accord, ça va parler de la couleur de l'été. Ah oui, d'accord, on va voir ça. Donc on sait pas quelle est la couleur de votre été. Peut-être moi plutôt bleu ou plutôt rouge, on verra. En tout cas, Nelly Furtado, elle voit la vie en rose avec Say It Right, ça marche très fort pour elle, c'est son dernier. À l'instant, c'était Say Track, Nelly Furtado sur l'antenne. Si vous voulez nous joindre, un numéro SMS très simple, c'est celui-là. Pour contacter la radio, un simple texto suffit. 0622 69 18 19. Pardon ? 0622 69 18 19. Je crois que j'ai retenu, c'est 0622 69 18 19, tout simplement. pour la suite du programme, eh bien c'est un sondage que nous réserve Léna Saufresse, CSA Saufresse, on l'appelle comme ça ici à la radio, parce qu'elle parcourt, elle parcourt la côte de Granit Rose et elle fait des sondages extrêmement sérieux, puis on sait que les sondages on y croit, et surtout quand elles sont réalisées avec autant de personnes, c'est ça qui fait la qualité d'un sondage, c'est le nombre, voici le sondage de Léna. Le sondage du jour. Toutes les tendances enfin déchiffrées par notre expert. Je suis allée hier à la plage. Donc comme le soleil n'était pas au rendez-vous trop, je me suis dit qu'en août, il allait faire très beau et qu'on allait pouvoir savoir quelle était enfin la couleur de l'été. Puisque tout le monde est en pull, en moitié en blouson, en kawaii. Regarde Jack, tu es ce matin en pull. Encore en marque, hein. Voilà, c'est on ça. On ne le citera pas, mais c'est vrai que voilà. C'est un peu l'élégance. Je parle pas des marques, je parle de la couleur. Et ah de... pardon. Non, tu es encore en pull. Oui, c'est vrai. Il ne fait pas super chaud, personne ne peut sortir ses débardeurs. Donc je pense qu'en août, on va pouvoir savoir quelle est la couleur de l'été. Donc c'est pour ça que je suis allée la demander. Et donc c'est en août, on verra sur la balade de Pérouse du vert à Nice. Du vert à Nice. Ouais. D'accord. Du turquoise. Du turquoise. Du blanc. Du blanc. Et bien sûr, en quatrième position, du orange. Ah bah oui, puisque ah bah les oui. Estivales, c'est un peu la couleur cette Je crois année. Que c'est ça qui remonte le orange, en fait. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est nous. D'accord. Bon, bah le orange renforce cet été. Puis en premier, le vert à Nice. Oui. C'est étonnant. Hein. Ça va être la couleur du mois d'août. Le vert à Nice. Je ne me rends pas bien compte ce que c'est du vert à Nice. Ah ben bah, voilà, tu me montres du vert à Nice, alors les auditeurs en seront satisfaits, c'est un espèce de vert, un peu pâle, palâtre. Mais non, ça va, il est joli. Qui est tombé dans l'eau, vert. Ouais. Mais si, c'est non mais c'est un beau vert, ouais. Oui, c'est un vert à Nice. Pour la musique, c'est Jamiroquai qui est habillé en vert à Nice. Non mais tout le monde maintenant va être habillé en vert à Nice, c'est en août, c'est ça? Oui, nous on est orange. Obligatoire. Ah on fera un petit effort, on fera une petite tâche en vert à Nice. Snap. événement estival. Le mercredi 1er août, venez assister à l'émission du club Macumba en direct du Café de la Plage à Tristraou. Événement en direct, Café de la Plage. L'événement de l'été, à ne pas manquer, c'est à partir de 20h et en live sur l'antenne d'Estival. Estival, en direct au sommet de la bande FM. Sommet de la bande FM. 107.4. Donc ça se passe le 1er août, ça se passe au Café de la Plage et ça sera le club Macumba qui est donc un peu l'émission partenaire du club VIP, n'est-ce pas ? Et nous serons en direct avec donc James qui sera le maître de cérémonie en direct du Café de la Plage et ça sera entre 20h et 22h avec un animateur en grande forme et ses acolytes en grande forme également. Club VIP ! On aime bien comme ça faire des émissions décentrées du studio et aller à votre rencontre finalement les auditeurs. Auditeurs de proximité appellerons-nous vous. Hein ? C'est vrai. Nous. Tiens, ça me fait penser que je vous réserve une petite surprise quand même pour tout à l'heure. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans le programme ? C'est la Summer Chronique qui va arriver. La Summer Chronique. Oui. Voilà. Donc dans la Summer Chronique, on va faire une rétro spéciale Louis de Funès. Oh, sympa. Tu aimes bien Louis de Funès ? J'adore. Et du côté bafouillage, comme je vous en ai fait, il y a deux secondes, hein, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien, vous aurez le droit au meilleur de Louis de Funès, les phrases les plus cultes qu'on a retenues. Et ça promet, c'est après Magic System, c'est chaud, alors ça... brûle. Ça brûle. Non. Chef Bilal. Ouais. Chef Baptiste. 2006. Mon frère, si tu n'as pas d'unité, faut biper, hein. Ouais. Club VIP. C'était Magic System, nos sympathiques Abidjanais, qui à chaque fois sont quand même toujours premiers sur les tubes de la plage. Ça, on peut le dire, ils en ratent pas une. Et leur dernier, bien sûr, c'est Kidimé. Pour la suite du programme, oui, vous allez retrouver la fameuse chronique. Alors, comment ça s'appelle et est-ce que tu pourrais expliquer en quelques mots, Léna, la chronique que vont retrouver nos auditeurs et nos web auditeurs, car je sais que vous êtes également nombreux sur Internet à nous écouter. Alors, c'est le Rétro Média en Summer Chronique aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui. Oui, c'est ça. Alors, donc aujourd'hui, tu parles de Louis de Funès. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, tu analyses et décortiques tous ses faits et gestes. Voilà. Quel film de Louis de Funès as-tu préféré dans toute l'histoire de la carrière de Louis de Funès? Il y en a plein. Il y a déjà Les Gendarmes. Ouais, toute la série, ouais, tout à ouais, fait. Ouais, ça, j'aimais bien. Et après, tout ce qu'il a fait au niveau de Molière et autres. Ah oui, quand il a repris, effectivement, il a repris un film avec Montand, voilà. Qui était, alors, je n'ai plus le titre en tête, mais c'est intéressant, mais La Folie des Grandeurs, enfin, quelque chose dans ce style-là, ouais, ouais. De Molière, je pense pas. Oui, d'accord, c'était pas de Molière, mais c'était mais dans le style, hein. Si je te dis de l'or. De l'or. De l'or. De l'or. Il est l'or, l'or de se lever. Ah oui. Et c'est quoi alors le film? C'est l'avare. Ah, l'avare, il a repris l'avare aussi, il a fait tellement de choses que des fois on a tendance à oublier certaines choses. Et heureusement le rétro-média est là tout simplement pour vous remémorer ces souvenirs radiophoniques et ces souvenirs télévisuels pour le coup. Spécial rétro consacré à Louis de Funès. Alors Louis de Funès, où es-tu? Je te cherche, je ne te vois pas. Ah, il est rapide. Ah, oui, il est tellement rapide, c'est incroyable ça. Tu l'as perdu. J'ai perdu Louis de Funès. Oh bah alors, qu'est-ce s'est-il passé? Ça va pas du tout ça. Ouais, tu vas le retrouver. Oui, on va le retrouver. On va vous passer P. Didi, qui était un grand fan de Louis de Funès. Mais c'est vrai. Ah oui, P. Didi est un grand fan de Louis de Funès. Ça y est, tu as des infos que je n'ai pas. Ah ça, c'est clair. Throw Your Pen, c'est un peu une chanson en dédicace d'ailleurs à Louis de Funès. Attention. Et nous attaquons la suite avec le Rétro Média juste derrière. Can you touch me? Can you trust me? Can you love me? I need you. Real talk to me. Tell how you looked at me. Knew my heart was broken and so empty. Even though my girl was next to me, she didn't see. I do believe that you wanna come back. Rescue me. If you read my mind, I'm saying please. I wonder what the choice will be. In time we'll see. She told me. She told me. She showed me. But she heard me. And she loved me the same. Has anybody ever made you feel that way? This way, this way. I got too many bills to pay. To pay. Been drinking on Patron all day. Yeah. Mine in the maze, blowing on it. I can't function. It gotta be something that you doing that got me unconscious. Hey. All this money, this fame, this pride. How could I feel this empty inside? Talk to him. I've been thinking about giving up. Can't give up. But something inside me is holding on. When we don't know who's right or wrong, we still stay strong. She told me. She told me. She showed me. But she heard me. And she loved me the same. Has anybody ever made you feel that way? Yeah. Could you really love her? Yeah. Let's go. Come on. I'll always be your friend. You'll always be my friend. I'll always love you. I'll never stop loving you. Cause no one else no one makes do me the feel things you do. You make, well, you make feel me feel so warm and new. So would you stay with she told me? Me. She told me. She showed me. She showed me. But she hurt me. But she hurt me. And she loved me. And she loved me. All the same. Has anybody ever made never made you feel that way. She showed me, but she hurt me. But she hurt me, and she loved me, and she loved me all the same. Has anybody ever made you feel that way? Through Your Pen featuring, je vous le donne en mille, Mario Winans, tout simplement. Club VIP. Le Club VIP, c'est parti, c'est la suite avec toujours cette bonne ambiance dans les studios. Léna, toujours au taquet, si je puis me permettre cette expression, pour vous lancer le rétro média spécial With Funès. On l'a retrouvé. Et donc, vous allez entendre les trois phrases cultes qu'on vous a sélectionnées de With Funès dans ce spécial rétro média consacré à cet acteur comique français, un des plus grands et des plus survoltés. Rétromédia, des archives audio oubliées. Rétromédia, c'est la mémoire des fichiers audio issus des différents médias, radio, TV, web, cinéma. Aujourd'hui, nous replongeons dans l'univers de Louis de Funès. Né en 1914 à Courbevoie, Louis de Funès connaîtra une ascension fulgurante dans le cinéma comique. Ses accès de nervosité aux limites de la folie en font un personnage disjoncté, comme dans le film Hibernatus, où il pète un plomb véritablement. Moi, ça va. Vous ne m'avez pas cru. Oh, si, si. Vous ne m'avez pas cru. Si, je vous ai cru. Pas, je vous ai cru. Je vous ai cru. J'ai 90 ans, je suis votre grand-père. Je reviens du pôle Nord et nous allons tous aller sur la Lune avec un insecte. Il ne m'a pas cru. Il ne m'a pas cru. La télévision. Ah, il va voir la télévision. Non, je ne veux pas que vous te tapes. T'approches pas, je te tape. Ah, quand Louis de Funès est parti, difficile de le stopper. De même, il peut devenir le roi de la bafouille, comme dans cet extrait du film Monsieur Joe de 1971, où Louis de Funès se met à vouvoyauter. C'est une forme de tutoie-vouvoiement, c'est particulier, écoutez. Pour moi, je lui dis tu, moi. Salut Antoine, comment vas-tu? Monsieur l'inspecteur, on ne vous attendait pas. Et qu'est-ce qui se passe, on ne se tutoie plus? Mais si. Eh ben alors. Comment va voir? Comment va-toi? Hein? Comment vas-tu? Ah, à la bonne heure. Qu'est-ce qu'on va boire quelque chose? Hein? Parce qu'il ne faut pas boire. Comment? Hein? On va quoi? On va boire maintenant. On va boire. Je vais chercher de la boire. Pour bafouiller, Louis de Funès est un génie. Et je ne peux résister à vous passer l'extrait du film Fantomas de 1964 où il excelle dans l'art d'esquiver une réponse en la rendant totalement inintelligible. Je vous nomme commandeur dans l'ordre des gens foutres. C'est... Quoi? Qu'est-ce que vous dites? C'est un signe par rosette, c'est un ruban, c'est un digne, moi, de conserver, puis c'est des chutes, je me serais déchoir. Ah, je vous en prie, monsieur le commissaire. Voilà ce rétro spécial Louis de Funès, à bientôt pour de prochaines archives audio. C'était Rétromédia. Rétromédia. Let's go. the day we first met. It was so perfect, girl, and I couldn't regret, cause you was my best, my girl. You was my everything was fine, girl, girl. Everything was fine, yeah. C'est une production Bob Sinclair sur l'antenne. What I want. Club VIP. C'est le Club VIP de vous écouter. C'est parti, toujours à 200 km/h. Attention aux excès de vitesse, mais bon, sur la radio, ça le fait encore. On a tous nos points ici. Nous allons attaquer avec la suite du programme. Et quel est-il, Léna? Qu'allons-nous retrouver? Puisque toi-même, tu sais. Oui, je sais ce qui va arriver. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait du suspense à chaque fois? Elle est forte, hein? Non, c'est incroyable. Bon, bah, je vais le dire, c'est le journal de la rédaction. Ah oui, donc... Avec nos super news insolites. Ouais. La rédaction a encore bien travaillé, je crois. Hein. Très bien. J'ai remarqué que la rédaction avait déposé des news, là, sur le bureau du réalisateur. Du réalisateur, tout à fait. Et je les vois, là, c'est... Ça m'a fait rigoler. Hein. Je les ai lus un petit peu en écoutant les chansons qu'on passait, parce qu'on passe de la bonne musique, je trouve, aujourd'hui. C'est vrai. On est particulièrement en forme. Je vous propose le tout dernier NZH. NZH, tu connais? Oui. Il y a le leader Miko qu'on avait interviewé. Oui, ils sont partis à Miami faire le clip. Et on vous retrouverait le tout dernier single. Donc, il nous l'avait dit en exclu sur cette antenne. C'est New Style, le tout dernier single. Et c'est celui-là. Le club VIP. C'est le natural, ça y en a. Si tu veux du new style, des mélodies qui te mettent aïe. On te donne rendez-vous, man, pour la dance all time. Reggae night, t'es pas, c'est le natural, ça y en a. Ouais, c'est le cas, donne-moi du power. J'rentre dans la dance hall comme des gladiateurs, tout se donne pour le showtime. Armée de colchons, on combat depuis long time. Nos efforts paieront l'avenir, fera moins mal. Nous avons la chance d'avoir le mic, une guerre lyrique. Si pour une seule personne, nos lyrics parlent à son âme, alors nous récolterons les fruits de notre travail, tous ensemble sur de bons rails. Reggae, musique est ma passion, l'encre de mes veines, mon cœur, ma respiration. Mais ça depuis long time. Happiness m'accroche à mes premières sessions. T'inquiète, j'oublierai pas le moteur de mes créations. La même innocence, aujourd'hui rien n'a changé. Comme par magie, les bons n'ont jamais tourné. Pas de doute, pas d'alerte, fiction, réalité. Aujourd'hui je reviens chanter. Si tu veux du new style, des mélodies qui te mettent aïe. On te donne rendez-vous, man, pour la dance all time. Reggae night, fais passer le natural, ça y en a. Si tu veux du new style, des mélodies qui te mettent aïe. On te donne rendez-vous, man, pour la dance all time. Reggae night, fais passer le natural, ça y en a. Pas facile de voir la réalité et d'avoir l'esprit tranquille. De surmonter les épreuves sans jamais perdre le fil. Je donne ma manière et je te révèle mes bonnes combines. L'amour et le reggae sont mon apport en vitamine. Écoute mes flots et apprécie mes rimes. Les vibes que j'exprime sont pour les frères qu'on opprime. Je représente mon crew, celle-ci est pour tous mes bêtuis. My selector, donne-moi du power, je rentre dans la dance hall. Tu sais qu'avec le natural, les bad vibes sont dingues. Donne-moi du power pour les frères qui sont là. Du style, des mélodies qui te mettent aïe. On te donne rendez-vous, man, pour la dancehall time. Reggae night, fais passer le natural, Zion High. Si tu veux du new style, style, style, des mélodies qui te mettent high, high, high. On te donne rendez-vous, man, pour la dancehall time. Reggae night, fais passer le natural, Zion High. Well, on a pris rendez-vous avec la vibration. La musique est une mission, non une compétition. Une atmosphère lorsqu'on s'occupe de la session. Le NZH rentre en action. Du new style, pour toutes les sisters, pour tous les brothers. Ceux qui bougent le goût swing et waga du new style. Reality and culture, c'est la dancehall fever. Big up à tous les massifs qui sont là du new style. Rendez-vous, man, pour la dancehall time. Reggae night, fais passer le natural, Zion High. Si tu veux du new style, style, style, des mélodies qui te mettent high, high, high. On te donne rendez-vous, man, pour la dancehall time. Reggae night, fais passer le natural, Zion High. Si tu veux du new style, style, style, des mélodies qui te mettent high, high, high. Si tu veux du new style, style, style, des mélodies qui te mettent high. New style. Si tu veux du new style, style, style. Ah, NZ H, Zash, H, c'est le club VIP. Club VIP. Voilà, nous attaquons la suite du programme avec le fameux journal de la rédaction. À toi de le lancer, Léna, dans les studios. C'est vrai ? Ah ouais, c'est à toi. J'ai l'honneur de l'annoncer. Donc pour les auditeurs, on va retrouver des news insolites, effectivement. Oui, et le programme cas par mort. Exactement. Ah, faut que tu donnes le top, hein. Ah, c'est top, c'est parti. Ah, voilà. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. Au sommaire, un réseau d'étudiants falsifie des notes et adieu, bonjour vos vaches cochons. Un réseau d'étudiants américains falsifiait des notes contre rémunération. San Francisco, 34 étudiants ou anciens étudiants américains ont été inculpés. Certains risquent la prison ferme pour avoir modifié des notes sur le serveur informatique de leur université. Pas bien. Bonjour vos vaches cochons. La Norvège invente la prison champêtre. Ni mur ni barreaux. Les cellules sont des maisons qu'on ne verrouille jamais dans la prison de Batsté, où certains des criminels les plus endurcis de Norvège préparent leur réinsertion en élevant des agneaux ou alors en cultivant des fraises écologiques. Voilà une forme de réinsertion dans la bouse, on peut dire. Nous allons attaquer avec la suite et c'est Léna qui va vous parler des activités Cap-Armor et destination bien-être sur la côte de Granit Rose, Perros-Guirec. Alors aujourd'hui au niveau de Cap-Armor, venez faire une course d'orientation de 15h à 17h30 à Trestraou. Pour la soirée, c'est rando-kayak de 17h à 19h30, du bowling de 19h30 à 21h et ce soir c'est le podium Jeune Talent au jeudi de Trestraou, on verra parti pris, donc de 21h à 21h45. Au niveau de DBE, aujourd'hui ils vont venir à la... du moins... On va les voir puisqu'ils vont faire une émission. J'ai un peu de mal ce matin, pardon. Venez manger équilibré. Donc, ils vous parlent de votre alimentation. C'est aujourd'hui ? Oui. D'accord. Et pour demain, au niveau de Cap-Armor, vous avez des œufs décoratifs de 14h à 16h. Un tournoi de volley de 14h aussi à 16h. Plage de Saint-Guirec. Et pour la soirée, c'est balade sur l'Argentilaise de 17h à 19h30 et du tennis de table de 17h à 19h. Oh, c'est beau. Le club VIP. Et pour la musique, DJ Porny, Miso Horny. J'aime Buffy, DJ Pony, tu es super et extraordinaire. Voilà, c'était DJ Horny, Miss Horny, et dans les studios, on est partagé sur les paroles. Moi, je dis que ce titre, hein, ça parle d'extraordinaire, de j'aime la vie et de c'est super. Voilà. Elena, tu n'es pas tout à fait de cet avis. Ah si, je suis d'accord. Ah non, mais peut-être pas, peut-être que tu as raison. On fait réécouter juste aux auditeurs parce qu'on leur fait partager comme ça nos interrogations sur les musiques. J'aime extraordinaire. J'aime la vie. Non mais t'entends ? Oui. Non mais je vais aller récupérer les paroles. D'accord. DJ Horny, Miss Horny, donc une chanson qui serait en français visiblement. Ça c'est tout le mal qu'on lui souhaite parce qu'on aime bien comme ça les titres en français de temps en temps sur l'antenne. Vous écoutez le club VIP. Le club VIP. Exactement. Et nous allons attaquer avec la suite du programme et un petit tour du côté de ce fameux sommaire. Oui, on va retrouver le saint du jour. D'accord, en compagnie de Jack et Elena, hein, voilà. C'est le club VIP. Sur Estival. Voilà, 107.4. Et également nos web internautes qui peuvent nous suivre sur le www.station-millennium.com ou alors sur le site, eh oui, il y en a deux, estivales.fm.free.fr. Voilà, tu connais bien quand même tout ça. Et c'est de mieux en mieux, ça marche très bien. Et le numéro SMS dans ces cas-là. Allez, on y va, c'est la totale. On vous dit comment nous joindre. Nous textoter, comme on dit à la radio, 0622 69 18 19. Ah, je n'ai pas très bien compris. 0622 69 18 19. Ah, c'est beaucoup plus clair. Et ça peut vous permettre de gagner la fameuse bourriche d'huîtres. Il y en a 48. 48 et une place de cinéma. Une place de ciné avec la bourriche. Ça fait un bon petit repas, un bon petit dîner. Et puis... Et après, on peut ressortir au cinéma. Voilà, t'as tout compris. D'ici quelques instants, vous allez retrouver le fameux saint du jour, la caractérologie du prénom. Un prénom aujourd'hui star qui va être décrypté par notre experte. Get on the floor, make it bump more, shake it, mommy. Put up your hands for me, that's how you dance for me. Shake it like you can, honey. We sending this one out to all the ladies all over the world. Get on the floor, make it bump more, shake it, mommy. Put up your hands for me, that's how you dance for me. Shake it like you can, honey. Last night, I couldn't even get an answer. I tried to call, but my pride wouldn't let me die. I'm sitting here with this blank expression, and the way I feel, I wanna curl up like a child. I know you can hear me. can't live without you. God, please make me better. I wish I wasn't the way I am. Par deux fois, featuring Kesha Cole, Last Night. Pour contacter la radio, un simple texto suffit. 0622 69 18 19. Pardon ? 0622 69 18 19. Vous écoutez le Club VIP, c'est avec Lena, c'est avec Jack et également la bonne humeur dans le studio nous a accompagnés pour cette émission du Club VIP où vous allez retrouver la fameuse chronique du jour qui est le saint du jour. Le saint du jour. Alors, quoi consiste cette chronique? Je vais vous l'expliquer. Il y en a trois aujourd'hui. Il y en a trois. On dit bonjour chaque jour à un prénom. Aujourd'hui, c'est le saint du jour. Et on fait la caractérologie. C'est tout nouveau sur l'antenne. C'est l'étude psychologique du prénom avec Léna. Saint du jour, un saint à l'honneur. Aujourd'hui, nous souhaitons la fête à Anne, Anaïs et Anaïg. Bonne fête Anne, Anaïs et Anaïg. Ou Anaïk, en fait, il y a les deux. Ou alors Anaïk, ça fait quatre fêtes à souhaiter. Ouh là là. Ouais, comme tu dis. Hein. Ouh là là. Alors, que peut-on dire sur Anne? Alors, c'est une personne douce et pacifique. On vous trouve extrêmement sympathique. Le seul problème, c'est que vous fuyez les conflits, vous vous réfugiez dans votre carapace, et c'est pour cela que vous restez incomprise. D'accord. Ok, Anaïs et Anaïg, c'est en fait la même caractérologie. Vous avez le sens des valeurs, le goût d'un certain style, vous aimez vous faire remarquer et vous êtes doué de grandes qualités de cœur. Ah oui ? Oui. J'ai pas trouvé de points négatifs. Peut-être le fait de se faire trop remarquer. D'accord, mais c'est pas gênant de pas trop avoir de points négatifs. Oh, d'accord. Voilà. Ça c'était pour Anaïg et Anaïs. D'accord. Et voilà, on peut dire que le tour des prénoms a été fait de voix de maître par Léna, l'experte en caractérologie. Si vous avez un souci sur votre prénom, que vous posez des questions parce que vous avez des comportements étranges, n'hésitez pas à nous envoyer un texto avec votre prénom. Et puis, tu te feras un plaisir, même si c'est pas la fête du jour, d'analyser le prénom, j'imagine. Bah oui, y a pas de problème. Gratuitement ? Gratuitement, c'est parti. C'est gentil. Je peux faire les atouts, Qu'est-ce qu'on a ? Les faiblesses, le comportement amoureux et le physique. D'accord. Je peux tout faire. Voilà, alors si vous vous posez des questions sur votre prénom, envoyez-nous votre prénom par texto 0622 69 18 19. Ça nous fera bien plaisir de l'analyser en direct. Pour la musique, attention, attention les oreilles, c'est le tout dernier James Blunt, 1973. On l'attend toujours avec un peu d'inquiétude et parce mélancolie. Qu'on sait, voilà, on sait qu'il est un peu mélancolique, il est un petit peu même, on chuchote au bord toujours du chagrin d'amour. Enfin, à James Blunt, c'est quand même celui qui met l'antenne un peu en émoi. Donc nous allons écouter le tout dernier James Blunt, ça s'appelle 1973. Alors on repart dans le passé, encore nostalgie quand tu nous tiens, James. Il va falloir que tu vives dans le présent. En tout cas, c'est le dernier, c'est en 2007. C'est parti. Ça va. Ah ouais, ça commence. Ça a changé. Même, qu'est-ce qui t'arrive, James Blunt ? Ah, ça va. Pour peu qu'il va chanter avec le sourire, là, ça va être énorme. Johnny's been etched on your skin. Simona, wish I had known that what seems so strong has been and gone. I would call you up every Saturday night, and when balls stay out till the morning light, and we sang, here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973, singing, here we go again. Simona, wish I was sober, so I could see clearly now. The rain has gone. Simona, I guess it's over. My memory plays out too, the same old song. I would call you up every Saturday night, and when balls stay out till the morning light, and we sang, here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973, singing, here we go. Time goes by, I will always be in a club with you in 1973, singing, here we go again. I would call you up every Saturday night, and we both stay out till the morning light, and we sang, here we go. James Blunt sur l'antenne, le tout dernier, c'est 1973 et ça c'est un bon rythme, hein, on a trouvé dans le studio. Vous écoutez le Club VIP en compagnie de Léna, Jack et c'est la bonne ambiance. Le Club VIP. Vous n'êtes jamais trop VIP pour rentrer dans le club. Allez, venez rentrer, on vous accueille. Il y a plein de bonnes musiques, il y a plein de bonnes chroniques servies bien glacées. Ça fait plaisir l'été. Attention, nous allons attaquer la suite du programme. Il y aura, je vous le dis, le tout dernier Alex Godino. Ouais, ça s'appelle Que Pasa. Featuring Sam quelque chose, je vous le donne tout de suite. Sam Obernick, tu connais? Non. Ouais, et ben c'est le grand ami des Bernickles. Sam Obernick. Nous allons retrouver Alex Godino. Mais juste avant, il faut faire un petit point sur le programme parce que c'est d'ici quelques instants l'heure de s'élancer à travers le fameux canular du jour. Bah oui. En quoi consiste cette démarche un peu bizarre, un peu alambiquée du club? Alors c'est par rapport au saint du jour, donc par rapport au prénom, et on appelle quelqu'un qui a ce prénom-là, donc une entreprise, un hôtel, un port. Ah, tout à fait, on a appelé un port un jour, incroyable. Un peu de tout en fait. Ouais, bah là on va être bien inspiré, ça va être le canular, le moment en live où tout peut partir de travers à la radio, où tous les auditeurs sont inquiets pour nous. Ah ouais. Hier c'était pas mal. Hier c'est parti un peu de travers, donc on va essayer de renouer avec cette grande tradition du canular qui est historique. La musique c'est Alex Godino, Que Pasa featuring Sam Aubert VIP. Aubernick, j'ai dit. Aubernick, pardon. Boy, I got a hook on you. Now do ya think we're through ya? It'll take a little time, 'cause brothers gotta work it out. Can't pass out, got me on. Ain't gonna get it. club VIP. You don't see. Cabo Parano sur l'antenne. Martin Solveig. Dans ses rythmes cubano-hispanish. Tu aimes les huîtres ? Tous les jours, entre 10h30 et 12h30, joue au Sun Game et gagne 4 douzaines d'huîtres. 4 douzaines d'huîtres. Oui, tu as bien entendu, près de 58 gratos. Gratos. Tu t'enlèches les babines d'avance ? Coût estival, entre 10h30 et 12h30. Exactement, tu aimes les huîtres ? Eh bien écoute le club VIP, écoute la radio estivale sur le 107.4, également sur internet. Si tu es proche de la côte de Granit Rose, tu pourras venir retirer ton ticket quand tu le souhaites, quand tu viens nous voir sur cette belle côte, toi auditeur. Nous allons attaquer la suite du programme. Léna, j'ai besoin de tes lumières, car nous allons souhaiter une fête de quelqu'un aujourd'hui. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Alors, qui s'agit-il ? Il s'agit... J'ai totalement oublié ce que tu m'as dit, parce que je suis partie vers autre chose. Alors, c'est la fête de qui ? C'est la fête de Anne, Anaïs et Anaïg. Voilà, et nous avons trouvé dans les pages jaunes une certaine Anne qui serait spécialisée dans le recrutement. Voilà, tout à fait. Et tu vas lui sortir toutes tes qualités de manager. Voilà, je vais essayer de recruter une perle rare pour l'ostréiculture. Tiens, vous le savez. Ah oui, puisqu'on est numéro 1 sur les huîtres. Voilà, et dans les huîtres, qu'est-ce qu'on trouve ? Des fois des perles. On va voir si elle tilte. Cette spécialiste du management. Donc on fait chauffer la ligne. La ligne est bonne aujourd'hui une fois de plus. Je m'appelle Donald Berger. Je suis homme d'affaires. Ça avait mis un peu de temps tout à l'heure à répondre. Dans ce cas. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Donald Berger du groupe Berger & Co. Oui. Je vous appelle car nous avons de nouvelles perspectives au niveau stratégie de marketing, au niveau du domaine de l'ostréiculture. Oui. Voilà. À ce titre, vous faites bien du recrutement conseil. Hein. Vous voulez parler à quelle société exactement ? Ah d'accord. Peut-être tout simplement le conseil de recrutement. Non, alors non, c'est pas ici, c'est plus ici du coup. Ah mon dieu. Vous faites dans quel domaine alors je n'ai pas saisi en fait. Ici vous avez plusieurs sociétés. C'est bien Anne ? Non, du tout, c'est Carole. D'accord. Voilà, et là vous êtes au standard, donc vous avez plusieurs sociétés. J'ai le choix entre quoi et quoi par exemple ? Vous avez le choix avec toutes les sociétés de communication. Oui, pas mal pour mon nouveau cœur de cible. C'est quel type d'agence de communication valable ? Parce que là, je fais le tour, hein, je vous cache pas, Carole. Là, je sais pas du tout. Honnêtement, moi, je vais pas vous cacher non plus. Je remplace la personne qui est au standard normalement. Et ce que font les gens exactement, les sociétés aussi. D'accord. Je suis pas précise du tout. D'accord, donc vous êtes plutôt dans l'expectative, comme on dit. Exactement. Voilà. Donc vous me conseillez plutôt la société de communication. Je suis même pas sûre que ce soit une société de communication, il me semble plus que c'est des projets événementiels. Ah, c'est pas mal aussi ça. Et il y a quoi d'autre alors en choix ? En choix, honnêtement, vous avez une société Concours Plus qui prépare au concours de médecine. Oui, c'est pas... Mon fils doit bientôt se présenter, c'est très sérieux. Ça s'appelle comment ? C'est valable ? Oui, quand même. Ça s'appelle Concours Plus. Vous pouvez éventuellement me les passer ? Alors, attendez, ne quittez pas, j'ai déjà regardé sur leur brochure. Parce que là, c'est un petit peu l'occasion qui fait le larron, comme on dit. C'est amusant. Donc, c'est du privé. Oh, ça me dérange pas. Et alors que je vous dise tout de suite. Dites-moi alors, tout de suite. Ça prépare en fait apparemment, c'est un concours blanc par semaine. Ça prépare aux épreuves. Ah donc, mon fils risque de travailler là ? Oui. Ah bah j'aimerais bien leur parler effectivement, si ça pouvait être possible. D'accord, très bien, n'inquiétez pas, je vous appelle. Très bien. Non, attendez, elle n'a pas de ligne. Elle n'a pas de ligne. Est-ce que je peux prendre vos coordonnées éventuellement et elle vous rappelle? Ah bah là, le souci quand même, c'est que... Comment ça, elle n'a pas de ligne? Oui, elle prend pas de, normalement pas de permanence téléphonique. Oh là là, c'est compliqué. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais rappeler. Conseil plus, vous dites? Concours plus. Concours plus, voilà. Voilà. Ok. En tout cas, bon courage, hein, ça a l'air difficile dans votre société. Il y a beaucoup de sociétés, c'est pour ça. Ah d'accord, ok. Voilà. Bon, très bien. Bah, bon courage. Hein. Des fois, on tombe au hasard comme ça et puis ça fait bien les choses. Voilà. Voilà. Bah, bon courage à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Et là, j'avais beau essayer de faire quelque chose, elle ne m'aidait pas tellement. Non. Elle n'était pas très motivée. Pourtant, j'aurais bien aimé. Ça t'a pas fait penser un petit peu à ces gens qui veulent acheter des glaces et qui ils hésitent entre le parfum? Quelle société vous voulez? Attendez, je vais voir. Je vais prendre un petit peu de conseil et puis vous me mettrez une boule de concours plus. Ce que j'adore, c'est quand elle dit je vais vous la passer. Puis, ah bah non, il n'y a pas de ligne. Ça n'existe pas. Vous appelez bien Anne? Non, c'est Carole. Ah, c'est dommage parce que c'est la fête de Anne. Donc déjà, ça partait mal pour souhaiter la fête. On va essayer un petit truc. On essaiera un petit truc. Je crois que tu as un numéro de Anne dans ton portable. Anaïs, ouais. Anaïs, que tu souhaiterais appeler. Oui, on va lui faire une petite blague, je pense qu'elle... Voilà. Ah non, là, ça y est, elle dort plus, mais... Elle dort plus? Non. Elle travaille dans le monde de la nuit, peut-être? Voilà. D'accord. Christina Aguilera, on a Thomas, qui est spécialiste du sport, qui est dans le studio. Le public qui part ici, j'espère que vous, auditeurs, vous vivez l'émission intensément. On va passer à une vitesse supérieure, là, avec la musique. Une vitesse, d'ailleurs... Romantique, Christina Aguilera, Oh Mother. Oh, yeah. She was so young with such innocent eyes. She always dreamt of a fairy tale life. And all the things that your money can't buy. And she thought that he was a wonderful guy. And suddenly things seemed to change. It was the moment she took on his name. He took his anger out on the face. And she kept all of her pain locked away. Tears you have shed. Oh mother, don't look back, 'cause he'll never hurt us again. So mother, I thank you. All that you've done and still do. You got me, I got you. Together we always pull through. We always pull through. We always pull through. Oh mother, oh mother, oh mother. It was the day that he turned on a kiss that she knew she just had to leave him. So many voices inside of her head saying over and over and over, you deserve much more than this. She was so sick of believing the lies and trying to hide, covering the cuts and bruises, cuts and bruises. So tired of defending her life, no. She could've died fighting for the lives of her children. Oh mother, we're stronger. Oh. All of the tears, all of the tears you have shed. Oh mother, don't look back, 'cause he'll never hurt us again. So mother, I thank you for all that you've done and still do. You got me, I got you. You got me. Oh mother, oh mother, yeah, yeah, yeah, Homozer sur l'antenne. Christina Aguilera, son tout dernier single. Rien que pour vous, les auditeurs. Club VIP. Et donc, le VIP, ça continue avec Léna et Jack, moi-même, pour tout simplement enflammer votre été sur l'antenne, sur la bande FM. Tout simplement vous apporter la touche chômeur dont vous avez besoin et dont vous ne repartirez pas sans à la suite de cette émission. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans les studios pour la suite? Pour la suite, il va y avoir la météo. Ah, la météo des fruits de mer, on l'appelle comme ça ici, parce que les crustacés sont toujours curieux de savoir à quelle tempête ils vont être mangés ou dégustés. Et il y aura pour la musique David Guetta qui s'est caché sous un rocher. Oui, ça se passe comme ça à la radio. Avec Steve Angelo également, ils sont deux, ils vont se baigner dans la mer. Et Sébastien Ingrosso, c'est compliqué quand il fait des chansons à 50. Ça s'appelle un buff. Every time we touch. VIP. club VIP. Et oui, maintenant nous allons retrouver la météo des fruits de mer. Alors, pour la météo, je retrouve ma petite météo. Voilà, donc aujourd'hui ce sera un ciel couvert et nuageux avec de faibles précipitations. Donc la température sera de 20 degrés et l'eau de la mer sera à 17 degrés. Donc il n'y a pas un très gros écart. On peut aller se baigner. La pluie nous prémouille, c'est d'accord ? Oui, tout à fait. Et après tu rentres dans l'eau, comme ça t'es déjà prémouillé et t'as plus qu'à rentrer facilement. Bah tranquille quoi. Avec 3 degrés d'écart, tu peux le faire. Bon, ah bah... tu attraperas pas de gros coups de soleil aujourd'hui, c'est sûr. Déjà, c'est une chance. Mais faut quand même se protéger. Ah oui, tu penses ? Ouais, même avec un ciel couvert, faut toujours se protéger, c'est là où le soleil est le plus agressif. Vous avez entendu les auditeurs, hein ? Qu'on vous voit pas rouge écrevisse, hein ? Non. Ah, parce que ça, c'est un vrai souci. On est premier sur les huîtres, mais pas premier sur les homards. Parce que la nuit, j'essaye de dormir, et puis il y a des espèces de lumières rouges qui m'assaillent. Ah, ça, c'est moi qui viens t'embêter. Ah, d'accord. T'as pas encore compris. Ah, je pensais que c'était des vacanciers qui s'étaient exposés au soleil trop longtemps et qui passaient devant chez moi, en fait. Ah, non. Mais non. Si c'est toi, alors là, attention, va falloir que tu mettes de la crème aussi. Read pour la musique, Rewind. Rewind. Read sur l'antenne, Rewind. Vous écoutez le Club VIP, on vous fait partager comme ça les moments de la radio en laissant parfois ouvert les micros pendant les coupures musicales. Ah oui, maintenant les co-animateurs sont prévenus. Nous allons attaquer avec la suite du programme et tout simplement faire un petit point sur... Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Voilà, qu'est-ce qu'on va retrouver ? T'as de la chance, t'as ton fil conducteur devant tes yeux. J'ai le fil conducteur. Alors, je regarde l'heure. Et je me dis comme ça qu'on aura le TV-scope, c'est-à-dire une façon pour vous de ne plus écouter la télé et de seulement écouter la radio, donc ne plus regarder la télé, écouter la radio. Ça s'appelle le TV-scope. On fait un point sur les jeux qui se passent pendant l'été. Il y a également le Dance Machine du jour, c'est-à-dire un revival des années 90 dans la catégorie Eurodance. Et c'est quoi aujourd'hui? Je le savais, c'est Master Boy. C'est ça? C'est pas ça. Non. C'est. Allez, vas-y, cherche. Qu'est-ce que j'étais en train de faire hier? Capella, non, c'est pas ça. Non. Les auditeurs sauront ça tout à l'heure. C'est d'accord, pas ça sera surprise. Ça sera un revival en tout cas. Vous retrouverez également, auditeurs, dans la suite, le fameux lancement vacancier. Il y aura également le réflexe relax. Oui. Et il y aura également. Il y aura plein de choses. Ah oui, il y a tellement de choses que je suis perdu. Voilà. Et tu voulais me faire signe qu'il y aura autre chose. Le sommaire également. Le journal de la rédaction qu'il faut repasser dans 2-3 minutes. Repasser, on le refait à chaque fois en live. Et également le point sportif avec Thomas, parce qu'il s'en est passé des choses sur le Tour de France. Et puis il veut vous en parler. Et ça, c'est vrai que c'est important de le dire, important de dénoncer. Les tricheurs nous feront tout ça sur l'antenne. Et je fais également une grosse dédicace à Lolo et Pamela de la part de Léna. Et c'est tout simplement Robbie Williams, rock DJ. Ça met le feu sur l'antenne. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can. It's time to move your body. Keeping me up all night. Rock DJ. Robbie Williams sur l'antenne, en dédicace. Et ça fait bien plaisir. Nous allons attaquer la suite du programme avec Léna qui va vous parler du journal et qui va même le lancer. La rédaction est en émoi car des news insolites nous sont parvenues et de nature bien spécifique. Nous allons vous en parler. Léna, tu lances le journal comme tu sais si bien le faire de ta voix si suave. C'est le journal de la rédaction. Ouais. Journal d'Estival. Le journal d'Estival. Alors au sommaire. Un réseau d'étudiants qui falsifie des notes et bonjour vos vaches cochons des prisonniers au vert. C'est croustillant tout ça. Ah oui. Un réseau d'étudiants américains falsifiait des notes contre rémunération. San Francisco, 34 étudiants ou anciens étudiants américains ont été inculpés. Certains risquent la prison ferme pour avoir modifié des notes sur le serveur informatique de leur université. Attention les tricheurs, ils se sont fait prendre. Bonjour vos vaches cochons. La Norvège invente la prison champêtre. Ni mur, ni barreau, les cellules sont des maisons qu'on ne verrouille jamais dans la prison de Badstay, où certains des criminels les plus endurcis de Norvège préparent leur réinsertion en élevant des agneaux et en cultivant des fraises écologiques. Voilà une forme de rééducation au vert, de réinsertion au vert pour les plus grands criminels de Norvège. C'est-à-dire qu'ils sont au froid déjà, alors les mettre au vert, ça peut que leur faire du bien. On y va avec le journal des activités sportives et Cap Armor. Alors, aujourd'hui, c'est course d'orientation de 15h à 17h30 à Trestraou. Je suis perdu ! C'est vrai. La soirée, c'est rando-kayak de 17h à 19h30 et du bowling de 19h30 à 21h. Ce soir, c'est podium jeune talent avec parti pris au jeudi de Trestraou de 21h à 21h45. Pour vendredi, vous... pourrez faire des œufs décoratifs pardon de 14h à 16h et ensuite vous avez un tournoi de volley sur la plage de Saint-Guirec de 14h à 16h. Balade sur l'Argentillaise vous attend pour la soirée de 17h à 19h30 et vous venez vous initier au tennis de table de 17h à 19h. Pour destination bien-être, aujourd'hui ils sont à la radio et je vous explique comment manger équilibré. Et pour demain, donc ils vous attendent à Trestraou pour bien commencer la journée par un petit déjeuner. C'est important. Ce que tu es en train de faire en ce moment, parce que tu es avec ton café, ton je peux pas dire. Ta barre marbrée. Oh, t'es si mimi à boire ton petit café. Oui, mais un petit déjeuner à pas d'heure, c'est plus vraiment un petit déjeuner, c'est de la gourmandise. Le club VIP. C'est pour se redonner des forces. Comme Sophie Alice Bextor, qui est un Bextor Max La Pêche, Me on My Imagination. Should be won so easily. Your eyes are on the prize. I'm worth the wait. Don't need to know the end, 'cause darling, magic stays where myth remains. I'm under your spell. Don't release me. Never Me and My Imagination, Sophie Elise Baxter sur l'antenne. Le club VIP. Et vous êtes avec Jack et Lena, les spécialistes du sport sur l'antenne. Et pour parler sport, qui recevons-nous aujourd'hui, Lena ? Thomas. Thomas, notre spécialiste du sport, bien sûr. On l'appelle ici à la radio le chroniqueur sportif. Ouais. Je te laisse ma place ? Ah bah oui, voilà. Alors par contre, on le chronomètre pour arriver au micro, il a mis 2 secondes 38 pour faire 2 mètres. C'est pas le meilleur perf pour l'instant du jour. Attention, tu vas bien ? Très bien. Très très bien, c'est parfait alors. Que s'est-il passé au niveau sportif aujourd'hui ? Il faut savoir que t'es très attentif au vélo parce qu'il s'en passe des choses. Tu nous fais un petit point ? Ouais, bah effectivement, il s'en passe pas mal des choses au niveau du vélo. En particulier au niveau du dopage, hein, on attache beaucoup plus d'importance en ce moment au niveau du dopage qu'au niveau du performance cycliste. Et là, en particulier, ça concerne le maillot jaune, le Danois Rasmussen, qui se retire en fait du Tour de France, puisque son équipe l'a demandé tout simplement de se retirer. Il s'est fait retirer en voilà, quelque il sorte. Il s'est fait retirer, exactement. Parce que lui, il aurait voulu continuer, j'avais l'impression, il gagnait des étapes, tout ça, il était content, il avait gagné la dernière étape, là, hier. Mais il se faisait pas siffler à moitié par le public depuis quelques étapes. Bah, il était très suspect, en tout cas. Hein. Ses performances étaient parfois mises en doute. Discrédité, hein. Voilà, petit peu. En fait, parce que, tout simplement, parce qu'il a échappé à plusieurs contrôles inopinés. Et donc c'est vrai que ça a porté à confusion dans le peloton quoi en fait. Ce qui donnait des mauvais emplois du temps, des choses comme ça, pour qu'on vérifie pas où ils s'entraînaient. Exactement, par exemple il a dit à un moment oui j'étais au Mexique, en fait il était en Italie quoi. Donc, ouais, bizarre. Voilà, très bizarre en fait. Hein. En tout cas il s'est fait un petit peu éjecter du peloton, du Tour de France. Tout à fait, oui. On peut dire qu'il est maillot balai. Enfin, maillot-balai, oui. Derrière la voiture balai en voilà, fait. Voilà, ouais. D'accord. Que se passe-t-il encore au niveau du Tour de France ? Au niveau du Tour de France, pas grand-chose. Qui est maillot jaune ? Le deuxième ? Bah, du coup, ouais, c'est Alberto Contador, le deuxième, là, qui prend la place de Rasmussen. Mais je crois qu'il n'y a pas de maillot jaune sur cette étape, me semble-t-il. Possible, oui. Ça va être une des premières fois où le Tour de France court sans maillot jaune. Donc ne cherchez pas hein, si vous êtes au bord des routes. Exactement. Ça serait inutile. Ouais. Tout à fait. Maintenant on va parler de la F1. Juste pour dire que peut-être que le Grand Prix de France, la Manicourt, il est bien parti pour être dans le calendrier 2008 et peut-être aussi 2009, puisque Roselyne Bachelot, qui est actuellement ministre de la Jeunesse et des Sports, a été en entretien avec Bernie Ecclestone. Donc pour savoir s'il y avait éventuellement une possibilité qu'il soit maintenu en fait. Et donc apparemment un accord a été trouvé et donc voilà, donc il y a de fortes possibilités pour qu'il soit dans le calendrier de F1 2008 et 2009. Juste un mot pour dire au niveau des transferts au niveau foot. Ouais. Bonaventure Kalou, qui était au Paris Saint-Germain avant, va voir Célance et signe pour un contrat de 3 ans. 3 ans ? Ouais. Ça en fait. Ça en fait. Hein. Et Soumana Camara, le défenseur de Saint-Etienne, va au PSG. Niveau rugby, on peut juste signaler que Frédéric Michalek s'est blessé aux ischio-jambiers. Donc il va être un peu ménagé, il va y avoir un travail spécifique de récupération. Niveau athlétisme, Christine Aron est de retour apparemment. Elle a remporté son 100 mètres en 11 secondes 06 centièmes. Ah, c'est mieux que moi. Oui, c'est... Ah, ça c'est sûr. Hein. Surtout qu'on peut préciser que Jack n'a pas couru les 10 km de la route. Tu peux préciser ce que tu veux. C'est mieux que moi. Voilà. Et enfin, un petit mot de tennis pour dire que... Ah, oui. Gilles Simon poursuit son aventure dans le tournoi de Umag. Donc après avoir battu Marin Cilic, un Croate, en 3-7. Et donc il va rencontrer en quart de finale Guillermo Cagnas. Gilles Simon qui est en quelque sorte un petit nouveau. Un petit nouveau, oui. Il n'est pas très connu, disons, on va dire. Il a gagné cette année le tournoi de Marseille, mais sinon, après... Ses performances restent en demi-teinte, on va dire. D'accord. À suivre, à faire exactement. À suivre. Merci en tout cas pour ce point sport, pour la musique Is It Love. Le titre, c'est Is It Love. Et on te retrouvera bien sûr demain pour de prochaines infos footballistique, tennistique, sportif tout simplement. I never knew love. Deux I O I I O. Le club VIP. Ilo même d'ailleurs tout simplement. Club VIP. Ouais, club VIP la suite. C'est avec Léna, c'est avec Jack dans les studios. On passe un très bon moment en votre compagnie. Je sais pas si pour les auditeurs c'est la même chose, mais nous on adore votre compagnie et on va justement vous offrir des chroniques pour tout simplement vous dire combien nous sommes reconnaissant d'avoir un public et un auditeur aussi sympathique. Quelle est la petite chronique à suivre? C'est tout simplement le Dance Machine. Qu'est-ce que c'est? C'est le revival du jour. C'est-à-dire qu'on vous parle d'un titre, un single qui a été très populaire dans les années 90. Et voici venir donc ce fameux Dance Machine. Aujourd'hui, on vous parle musique Eurodance comme d'habitude avec Léna. Le Dance Machine du jour. Le Dance Machine du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de Too Unlimited. Donc, c'est un groupe de danse. Un groupe de dance belge du début des années 90. Il est très représentatif de la vague Eurodance de l'époque, comme tu l'as bien cité. Formé par les producteurs belges Jean-Paul De Coster et Philippe Wild, Too Unlimited se composait initialement de deux membres, donc Anita, la chanteuse belge, et Ray, un rappeur néerlandais. Donc Too Unlimited reste un des plus grands groupes dance des années 90, mais c'est surtout grâce à son titre, Get Ready for This, devenu un grand tube entendu dans de nombreux films comme Space Jam ou encore Scooby-Doo. D'accord. Alors c'est un groupe belge encore. Voilà. Donc faut les mais présenter. Mais c'est tous des groupes belges dans le mouvement Eurodance. Donc c'est No Limits. Donc faut présenter version belge. Vas-y, on va s'écouter Too Unlimited sur Radio Belgique. Avec tes frites, une fois. Et de la bonne humeur. Et le titre, c'est ça? C'est No Limits. Ah, c'est No Limits. C'est pas leur titre culte. C'est cultissime. Avec un son de l'époque en plus. Ouais. Tu l'as chopé sur une cassette, non? Elle était dans ta voiture depuis plusieurs... Maman. Hein? C'est dans la voiture de ma maman. Elle était depuis plusieurs années. Oh, hein. Oui. Elle est humide ta voiture. I'm on the edge, I know the ledge. I work real hard to collect my cash. Tick, tick, tick, tick, take the time. When I'm going for mine. Open your ears and you will hear it. I tell you this, cause there's no limit. No, no. Unlimited, version cassette, rien que pour vos oreilles, pour vous remettre dans l'ambiance. Ah, c'est du bon. Ah, c'est du bon. La version cassette, c'est du bon. Ça a pas trop tapé dans vos voitures. Allez, c'est parfait. C'était le Dance Machine belge avec Too Unlimited. Retour dans les années 2000, voire 2007, avec Léna dans les studios. Oui. Jack également, moi-même, on peut le dire également aussi. Pour vous annoncer la suite du programme, et on va jouer pour gagner une bourriche. Oui, et une place de cinéma. Ouais, carrément. Fun game. Donc ça vous fait un petit programme bien sympathique, imaginez un dîner. Déguster 48 huîtres. Sur la plage, ouais. Avec un beau coucher de soleil. On a fait, hein. Ouais. On a invité des auditrices à venir partager un déjeuner, parce qu'elles avaient donné la bonne réponse. Et elles en étaient satisfaites. D'ailleurs, on les appellera de Paris pour savoir quelle impression elles en ont eu. Un de ces quatre. Ça peut être une idée. Oui. Tout le monde n'en garde pas un souvenir impérissable, parce que les huîtres, bon, faut être connaisseur. Nous allons attaquer avec cette place de cinéma et ces huîtres, la bourriche, d'ici quelques instants. Un numéro SMS quand même, tout simplement. Alors, c'est le 0622 69 18 19. Pardon ? 0622 69 18 19. Exact, c'est ça, c'est ce numéro-là. Et comme on fait bien les choses, on vous parle, on va faire un petit point sur la télé parce qu'on n'aime pas pendant que vous êtes en vacances que vous regardiez la télé. C'est quelque chose qu'on n'aime pas. C'est normal, hein. C'est pas bien de regarder la télé en vacances, ça se fait pas. Il faut sortir du quotidien, il faut écouter la radio. C'est pour ça qu'on a créé la rubrique du TVscope. TVscope, voilà. Le TVscope, ça consiste en fait en un rappel de la télé version Léna. Oui. Qui suit pour vous toutes les productions télévisuelles. Elle a une tête chargée comme ça, elle parle à peine français maintenant, c'est terrible. Elle passe son temps à regarder la télé. C'est le TVScope. Le TVScope, toute l'actu de la télé, enfin à la radio. Aujourd'hui, nous allons parler de l'île de la Tentation. Ah, notre programme culturel préféré. Voilà, alors sais-tu pourquoi les téléspectateurs regardent l'île de la Tentation? Bah parce qu'il y a des choses un peu tendancieuses, un peu non, sexuelles. Parce que c'est un programme zéro neurone. Ah oui, aussi, ouais. Parce que l'on se... Ouais, c'est bien en fait, on se rince l'œil. Bah oui, ça je pensais voilà. Bien, c'est un avantage, il y a des jolies filles en maillot. Et parce que c'est drôle de voir des couples en train de se briser, et c'est tellement pathétique, les gens en rigolent, donc c'est pas mal. On se moque un peu du malheur des autres en quelque c'est sorte. C'est ça, tu les vois tout beaux, tout gentils, qui s'aiment, et puis au bout d'une heure, tu les vois, ils sont en train de se toucher de partout, c'est sympa. C'était une étude ça, de la télé? Oui, c'est une étude de la télé en fait que j'ai fait. Ouais, voilà. Voilà. Donc c'était un petit peu les raisons, la raison, c'est oui. Du voyeurisme. Voilà. Comme d'hab. C'est comme d'hab. Estival, estival. Puissance Millennium. C'était tout au fait sur l'île de la Tentation. Non, il y avait un petit résumé. Mais ah, mais si, vas-y, vas-y, non, on a le temps. On a le temps. On a le temps. Ah oui, on me fait signe là. Le réalisateur me fait signe. On a le temps. On a le temps. Bon, bah, on y va. Alors, au niveau de. Ah oui, il y a un petit truc qui s'est passé. Il y a l'INSEE qui a regardé lors d'un feu de camp. Les petites images de sa chérie, et en fait il a vu qu'elle se rapprochait du tentateur qui lui ressemblait. Ouais. Donc je n'ai plus trop son nom, je suis en train de le rechercher. Mais qu'elle aimait bien, qu'elle ouais, avait qu'elle des affinités avec, comme et ils ben, disent dans le jeu. Geoffrey, voilà. D'accord. Oh, mais il est fort lui. Donc ça y est, ils sont en train de se séduire, ils s'aiment bien. L'INSEE l'a vu, donc il veut se venger. Apparemment, il drague une tentatrice aussi de son côté. C'est normal. C'est un peu n'importe quoi, mais bon. Il a raison ensuite, de faire ça. Anthony et Julia, ça y est, se sont embrassés et vivent vraiment une petite histoire d'amour sur l'île de la Tentation. Donc ça veut dire qu'il y a un couple là qui est brisé ah, là, quelque part. Bon. Après on a Ben, ouais, qui est pareil, qui a brisé son couple puisqu'il a affiché lors d'une soirée qu'il était vraiment attiré par l'une des tentatrices. D'accord. Donc, c'est plus... réciproque ? Oui, oui, apparemment, puisqu'en fait, il en a dragué une comme ça pour rigoler, et la tentatrice préférée, elle était jalouse. Ah, bah ouais, donc forcément. Ça y est, donc voilà, à suivre pour la semaine prochaine. D'accord. Alors, ce qu'on vous fera, et très certainement, c'est une parodie de l'île de la Tentation, parce ça, que ça nous sûr. Fait mourir de rire à chaque fois, et dans un contexte comme ça de voyeurisme, de jalousie, et ben vous retrouverez notre version de l'île de la Tentation à suivre très certainement la semaine prochaine. Sandra Maria Magdalena. You. club VIP. Justice avec le titre Dance. Vous écoutez la radio, vous écoutez pas n'importe quelle radio, c'est le 107.4. Et on a débordé un petit peu sur le programme. Alors on va finir très rapidement parce qu'on vous l'avait promis. Et je sais qu'il y en a qui sont restés jusqu'à la fin pour essayer de gagner la bourriche d'huîtres et la place de cinéma. Alors on va vous poser une question. On change un peu le Sun Game. Aujourd'hui ça va être une question musicale. On va vous donner le titre d'une chanson. Il va falloir nous donner le nom de l'interprète. Tout simplement. On fait ça comme ça, Léna, dans les studios. Oui, Léna, on t'entend d'une clarté. Alors c'est incroyable. Pour la fin de l'émission, ça... on fait ça comme ça. On fait ça comme ça. Mais c'est génial. Alors attention, le Sun Game va partir. Petit point également, Léna. Ça serait énorme sur l'émission. Ça serait énorme. L'émission d'aujourd'hui. Ouais. Alors aujourd'hui, on fête la Saint Anaïs, Anaïg et Anne. Une bonne fête à toutes ces demoiselles. Ensuite, nous avons vu quoi ? Des news insolites. Ouais. Il y avait des étudiants qui avaient falsifié des notes contre rémunération. T'as déjà fait, toi ? Non. Falsifier des notes ? Non, jamais. Non, c'est bien. Attends. Moi non plus. Y a pas besoin. J'espère. Ensuite, au niveau de la météo, il va avoir un ciel couvert avec risque de pluie. Ouais, mais pas de verglas, et c'est la bonne nouvelle. Voilà, puisque tu ne glisseras pas, tu ne tomberas pas dans un ravin, et voilà. Comme ça, tu seras là demain pour ton émission. Bah oui, ça va. Voilà. Et toi aussi ? Mais oui. tu veux savoir quoi encore? Le Dance Machine du jour, c'était Too Unlimited avec nos limites qu'on avait retrouvé des années bien, ça, de 1980. Ça, on avait bien aimé. Ouais. On a tout à portée de la main dans cette radio, c'est ça qui est merveilleux. Il y avait aussi le sondage du jour sur la couleur de l'été qui était le vert anis. Voilà. Ben, on va jouer au Sun Game. Tu es prêt? C'est parti. Je peux jouer? Oui. Alors, je vous explique la règle. Mmh. On change un peu d'habitude. Pour gagner la bourriche à la place de cinéma, on vous donne le titre de la chanson. Vous devez nous donner par texto le nom de l'interprète, le nom de l'auteur, de l'artiste, tout simplement, au 0622 69 18 19. C'est tout simple. C'est trop facile. Ah, ça dépend. Je pensais que tu allais passer un extra audio et qu'il fallait dire... Ah, qu'est-ce que c'est? Ben non, aujourd'hui, on vous donne le nom de la chanson. Vous devez nous donner le nom de l'artiste. Le Sun Game. Sun Game. Des cadeaux plein ta radio. Alors, j'espère que vous avez les oreilles grandes ouvertes, bien attentifs. Vous êtes auditeur. Et attention, je vous donne le nom de la chanson. Vous devez me donner le nom de l'artiste. Je vous dis Rock DJ. Vous avez quelques secondes pour textoter au 0622 69 18 19. Vous nous donnez le nom de l'artiste qui chante Rock DJ. Et puis vous gagnez bourriche d'huître et place de cinéma. Je peux pas jouer, c'est mon artiste préféré. Ah oui, en plus. S'il te plaît. Non, ça va être difficile. C'est uniquement pour les auditeurs. 0622 69 18 19 qui a interprété Rock DJ. C'était le club VIP. Merci pour eux. Au revoir à tous. Bye bye. À demain. Même heure, même endroit. Même punition.